La bataille de Badr ou les merveilles de la foi. Ibn Ishaq a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait conseillé à ses compagnons de préserver la vie des Banu Hashim qui étaient partis contre leur gré aux côtés des polythéistes parce qu'ils avaient craint d'être blâmés par leur peuple. Parmi eux, il nomma Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et Abu'l-Bukhtari ibn Hisham. Il ordonna aux musulmans de les capturer mais de ne pas les tuer. Abu Hudhayfa ibn Utbah se montra alors très surpris et fit ce commentaire « Devrions-nous épargner Al-Abbas alors que nous devrons tuer nos pères, nos enfants, nos frères et les membres de nos clans? Par Allah, si je le vois, je le frapperai sûrement avec mon épée. » En entendant ces paroles, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit en s'adressant à Omar ibn al-Khattab « Oh Abu Hafs, est-il juste que le visage de l'oncle du messager d'Allah soit frappé par l'épée ?» Omar répondit alors « Ô envoyé d'Allah, laisse-moi trancher sa tête, c'est-à-dire celle d'Abu Hudhayfa, car par Allah, il est devenu hypocrite. » Abu Hudhayfa ibn Utbah dit plus tard qu'il avait eu alors extrêmement peur et qu'il avait senti que seul le martyr pouvait lui faire expier sa faute. Il fut effectivement tué par la suite lors des événements d'Al-Yamama. Abu'l-Bukhtari ibn Hisham avait toujours fait de son mieux pour retenir son peuple contre les musulmans et les empêcher de commettre tout acte inconsidéré à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam alors que ce dernier se trouvait encore à la Mecque. Il n'avait jamais causé de tort au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il avait en outre fait partie des gens qui avaient essayé de mettre un terme au blocus décrété à l'encontre des Banu Hashim et des Banu Abd al-Muttalib quelques années plus tôt. Cependant, lors de la bataille de Badr, Al-Mujadhir ibn Ziyad al-Balawi fut contraint de le tuer, car il refusait d'abandonner un ami Qurayshite combattant à ses côtés et pour lequel aucun ordre d'indulgence n'avait été reçu. Abdurrahman ibn Auf et Umayya ibn Khalaf avaient été de grands amis durant l'ère pré-islamique. Lorsque la bataille de Badr prit fin, Abdurrahman vit Umayya et son fils Ali parmi les captifs. Umayya lui dit « Ne voudrais-tu pas nous faire, moi et mon fils, prisonniers? Nous valons mieux que les cuirasses que tu emportes. Je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci. Si tu nous prends comme prisonniers, notre rançon sera des chamelles qui donnent beaucoup de lait. » Abdurrahman ibn Auf jeta les cuirasses et les emmena. Marchant entre les deux captifs, rapporta plus tard Abdurrahman ibn Auf, Umayya me demanda « Qui est cet homme qui porte sur sa poitrine une plume d'autruche ?» Je répondis « C'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. » Il dit alors « C'est lui qui nous a causé le plus de pertes. » Bilal, le muadzin du prophète alayhi salatu wassalam, vit Umayya et il se souvint immédiatement des tortures qu'il lui avait fait endurer. Il se jura qu'il allait se venger de lui. Abdurrahman tenta de l'apaiser, mais ce fut en vain. Les musulmans se rassemblèrent autour d'Umayya et de son fils. Ce dernier tomba sous les coups d'un sabre asséné par un musulman. À ce moment, Abdurrahman exhorta son ancien ami polythéiste à se sauver, mais ce dernier fut frappé de différents côtés et mourut. À la suite de cet événement, Abdurrahman avait l'habitude de dire « Qu'Allah fasse miséricorde à Bilal, car ayant perdu mes cuirasses, il me fit perdre aussi mes deux prisonniers. » Dans Zadul Ma'ad, Ibn al-Qayyim a rapporté que Abdurrahman ibn Auf fit asseoir Umayya ibn Khalaf pour le couvrir de tout son corps. Mais les musulmans purent l'atteindre mortellement et même Abdurrahman ibn Auf fut blessé. Omar ibn al-Khattab n'épargna la vie d'aucun polythéiste, même pas celle de son oncle maternel Al-As ibn Hisham ibn al-Mughira. Abu Bakr cria à l'adresse de son fils Abdurrahman, alors encore polythéiste et combattant contre les musulmans, « Où sont mes biens, mauvais fils ?» Ce dernier répondit par un vers « Seul reste une arme et un cheval grand d'un pas large et doux, et un sabre tranchant pour tuer les vieux égarés. » Lorsque cessa la bataille et que les musulmans emmenèrent en captivité un certain nombre de polythéistes, le prophète alayhi salatu wassalam lut sur le visage de Sa'd ibn Mu'adh, le chef des gardes affectés à sa protection rapprochée, une forte désapprobation concernant le fait que des ennemis soient pris comme captifs et non tués. Sa'd, cependant, accepta la décision du prophète alayhi salatu wassalam tout en disant qu'il aurait préféré les mettre à mort après cette première victoire des musulmans sur les forces du paganisme. Le jour de la bataille de Badr, l'épée de Okasha ibn Mihsan al-Asadi se brisa, si bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donna un bâton qu'il brandit en l'air et qui se transforma immédiatement en une longue épée brillante et très solide. Okasha utilisa cette même arme lors des batailles qui suivirent, jusqu'à sa mort lors des guerres d'apostasie sous le califat d'Abu Bakr. Lorsque cessèrent les combats, Mus'ab ibn Umar al-Abdari vit son frère Abu Aziz ibn Umar, alors encore polythéiste, les mains liées et conduit par un ansar. Mus'ab recommanda à ce dernier de bien le tenir attaché, car sa mère était suffisamment riche pour payer sa rançon. Abu Aziz dit « Est-ce ainsi que tu exprimes ton lien de parenté à mon égard ?» Mais Mus'ab répondit « Lui, c'est-à-dire le Ansar, est mon frère, toi non. » Quand le prophète alayhi salatu wassalam ordonna de jeter les corps des polythéistes morts dans un des puits de Badr, Abu Hudayfa ibn Utba regarda tristement la dépouille de son père qui avait combattu aux côtés des polythéistes. Le prophète alayhi salatu wassalam remarqua son affliction et lui en demanda la raison. Abu Hudayfa répondit qu'il n'avait jamais douté que son père rencontrerait le destin qu'il méritait, mais il ajouta qu'il aurait souhaité, attendu son intelligence, sa magnanimité et son mérite, le voir emprunter finalement le chemin de l'islam, et c'est pourquoi il était ému. Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Allah en sa faveur et lui dit des paroles douces. Comme il a été mentionné plus haut, l'issue de la bataille fut une déroute honteuse pour les négateurs et une victoire éclatante pour les musulmans. 14 musulmans furent tués, 6 muhajiroun et 8 ansar. Les mécréants subirent de lourdes pertes, 70 d'entre eux trouvèrent la mort et un nombre égal fut fait prisonnier. Beaucoup de notables de la Mecque, et comptant parmi les plus farouches opposants au prophète alayhi salatu wassalam, figurèrent parmi les morts, dont le principal d'entre eux, Abu Jahl. La bataille finie, le prophète alayhi salatu wassalam vint examiner les polythéistes morts et dit à cette occasion « Quelle mauvaise tribu vous fut à l'égard de votre prophète. Vous m'avez traité de menteur alors que les autres m'ont cru. Vous m'avez abandonné alors que les autres m'ont soutenu. Vous m'avez expulsé alors que les autres m'ont offert un refuge. » Abu Talha a rapporté que le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam a ordonné le jour de Badr de jeter les cadavres de 24 chefs Qurayshites dans un des puits de Badr. Le troisième jour après la bataille, il alla sur sa monture jusqu'à l'orifice du puits où ils avaient été ensevelis. Il les appela l'un après l'autre par leur nom et par ceux de leur père en disant « N'aurait-il pas mieux valu pour vous que vous obéissiez à Allah et à son messager ? Regardez, nous avons découvert que la promesse de notre Seigneur s'est réalisée. Et vous, la promesse de votre Seigneur s'est-elle accomplie ?» Omar ibn al-Khattab intervint et dit « Ô messager d'Allah, pourquoi parles-tu à des corps sans âme ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Par celui dans la main de qui se trouve l'âme de Muhammad, vous n'entendez pas mieux qu'eux ce que je suis en train de dire, mais ils ne peuvent me répondre. » Les réactions à la Mecque. Les polythéistes qui avaient fui se dispersèrent dans les vallées et les sentiers de montagne. Ils se dirigèrent vers la Mecque, paniqués et honteux. Ibn Ishaq a rapporté que le premier à annoncer la nouvelle de leur défaite fut Al-Haysaman ibn Abdullah al-Khuzai. Il raconta comment les notables Mécois avaient été tués. Les gens ne le crurent pas au début et pensèrent qu'il était devenu fou. Mais bientôt la nouvelle fut confirmée, un sentiment de stupéfaction saisit la population. Abu Sufyan ibn al-Harith donna à Abu Lahab un compte-rendu complet du désastre et de leur fuite ignominieuse, en mettant l'accent sur le rôle des anges dans cette tragédie. Abu Rafi' affranchi de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui était alors esclave d'Al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, dit en entendant le récit d'Abu Sufyan ibn al-Harith « Par Allah, c'était bien les anges !» Abu Lahab fut alors pris d'une colère irrépressible et se mit à le frapper. Umm al-Fadl, épouse d'Al-Abbas, une autre femme musulmane, fortement exaspérée par le comportement insensé d'Abu Lahab, le frappa avec une souche de bois et sa tête se fendit. 7 jours plus tard, il mourut d'un ulcère inquiétant et il fut laissé 3 jours sans sépulture. Ses fils, cependant, par peur des rumeurs honteuses, tirèrent son corps jusqu'à une fosse et, en gardant bien leur distance, lui lancèrent des pierres et du sable pour recouvrir son cadavre. Les Mécois ressentirent une grande honte et un immense chagrin suite à cette défaite. Craignant que les musulmans ne se réjouissent de leur malheur, ils interdirent que l'on pleurât les morts.